Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons c'est une fête dans l'Église, hein, ce n'est pas simplement une mémoire. Alors ce n'est pas une solennité, mais c'est une fête, la fête de Sainte Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, vous savez, c'est une immense mystique. Déjà, on peut dire ça, hein, une immense mystique. Alors, ça pose toujours problème des mystiques, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment au-delà de la compréhension rationnelle, hein, dans ce qui se passe dans leur vie. Hein, par définition, le mystique, c'est lorsque le surnaturel fait irruption dans la vie et que, eh bien, il y a des phénomènes assez étranges qui se produisent. Et donc, la pauvre Catherine de Sienne, elle a eu maille à partir avec toutes les moqueries toute sa vie, hein, depuis sa petite enfance. Alors, vous savez, elle naît à Sienne, bien sûr, c'est pour ça qu'elle s'appelle Catherine de Sienne, même si ce n'est pas son vrai nom de famille. Beninca, ça, normalement, son nom de famille. Elle naît à Sienne, donc en Toscane. Et là, eh bien, dès son enfance, alors qu'elle est la 24e enfant du couple, sur les 25 ou 26, voyez, hein, prenons-en de la graine, hein, 25 ou 26 enfants, peut-être plus même. Voilà, 24e enfant, elle naît avec une jumelle qui s'appelle Jeanne et qui va mourir très vite. Et Catherine de Sienne, dès sa petite enfance, eh bien, est attirée par les choses divines. Ça ne s'explique pas, vous voyez. Il y a des choses comme ça, on voit le choix de Dieu sur des âmes, sur des enfants parfois. Mais alors elle, c'est très très fort, elle se met à prier énormément depuis sa plus petite enfance. On la voit déjà à 2, 3, 4 ans, elle sait à peine marcher au début, elle sait à peine parler, qu'elle se met au fond du jardin, hein, elle se met au fond de la cour du jardin et elle reste en prière pendant des heures. Vous voyez, petite Catherine comme ça, qui monte comme ça, qui commence à grandir, avec cet amour de la prière, un don de l'esprit qu'on appelle la piété, qu'elle a reçu dès sa tendre enfance, avant même sa confirmation, sa communion, tout ça. Elle est déjà gratifiée de ces grâces mystiques. On raconte que la première grâce mystique très sensible qu'elle a reçue, elle se promenait avec son frère, qui était un frère adoptif, qu'on appelait Tommaso. Vous voyez, 28 enfants, 26 enfants, et puis il en manquait, allez, on adopte un petit garçon. Hein, le petit Tommaso, elle se promène avec lui dans les rues de Sienne et elle voit au-dessus de la grande église Saint-Dominique, elle a une vision du Christ qui l'a béni. Et elle en parle tout de suite, elle a 6 ans. Donc à cet âge-là, on ment pas sur des choses pareilles. Elle en parle tout de suite à son frère, qui garde ça dans son cœur, bien sûr, et qui va ensuite le raconter. Et elle reçoit cette grâce d'être bénie directement par le Christ du haut de l'église Saint-Dominique. Alors bien sûr, elle va en avoir plein d'autres, des grâces mystiques. Et très tôt, vers l'âge de 13-14 ans, eh bien, alors que ses parents sont un peu mondains, il faut le dire, hein, ils ont beaucoup d'enfants, mais ils ont aussi pas mal d'argent. Et donc ils sont très mondains. Et sa mère est très mondaine, surtout. Et elle veut que sa fille soit coquette, féminine, enfin ma grande. Allez, fais-toi des belles parures, des belles coiffures, habille-toi. Fais-toi belle pour que tous les prétendants, hein, dès ton adolescence, commencent à te désirer et que tu sois vraiment une belle femme. Et donc sa fille refuse catégoriquement, tant et si bien que vers 14 ans, elle va se couper elle-même les cheveux. À 14 ans, elle se coupe les cheveux et elle donne sa chevelure au Seigneur, avec le désir déjà qu'elle avait déjà formulé bien plus tôt, de consacrer sa virginité à Dieu. Elle offre ses cheveux à Jésus. Alors ça ne plaît pas du tout à sa mère, qui se met très en colère. Elle en parle beaucoup avec son père, qui commence à la comprendre, mais qui quand même trouve ça un peu bizarre. Et puis un beau jour, alors qu'elle est en train de prier, ses parents la voient, entrevoient, et ils voient une colombe lumineuse qui se promène au-dessus de sa tête. Là, la mère tombe vraiment raide devant ça. Elle est complètement bouleversée, elle pleure, elle demande pardon à sa fille, elle demande pardon à Dieu d'avoir été un obstacle, hein, contre son union à Dieu. À l'âge de 20 ans, la Catherine, alors déjà bien plus tôt, vers 16 ans, elle va entrer dans un tiers ordre dominicain. Vous voyez, il y avait les dominicains dans la ville de Sienne. Elle va entrer dans le tiers ordre des pénitents dominicains de Saint-Dominique. Et elle va donc prendre l'habit noir des pénitents de Saint-Dominique. À l'âge de 20 ans, elle reçoit une grâce, elle reçoit ce qu'on appelle la grâce du mariage mystique, c'est-à-dire qu'elle voit le Seigneur qui lui offre et qui lui passe au doigt un anneau pour lui dire « Voilà, maintenant tu es mienne, nous sommes unis pour la vie, pour toujours, pour l'éternité. » Et alors c'est un anneau mystique qu'elle seule voit et qu'elle sent et qui la gêne parfois. Et elle le voit et personne d'autre ne le voit. Alors vous voyez, on peut dire plein de choses après, on dit « Oui, elle a inventé, elle avait des visions, elle avait beaucoup d'imagination. » Mais en réalité, vous voyez, ce sont ces pères spirituels qui ont discerné petit à petit et qui ont vu que oui, c'était vraiment des grâces mystiques réelles. Et elle faisait tout, bien sûr, pour le cacher. Elle était bien obligée d'en parler quelques fois parce qu'on lui demandait ce qu'elle faisait à se toucher le doigt. Elle faisait tout pour cacher ces grâces mystiques, notamment ce qu'elle a demandé au Seigneur, de lui cacher les stigmates qu'elle a reçus. Parce que oui, elle a reçu des stigmates, mais elle a demandé au moment où elle recevait les stigmates, elle dit « Ô Seigneur, pourvu qu'on ne les voit pas !» Et bien sûr, le Seigneur a obéi à cette prière pour qu'elle reçoive ces stigmates et qu'elle en souffre d'amour, bien sûr, sans que ça se voit. Mais bien sûr, certains vont remarquer que parfois elle marche un peu bizarrement parce qu'elle a des grandes douleurs aux pieds et puis qu'elle a des douleurs aussi aux mains. Et donc elle va être obligée à un moment donné de le dire parfois à certains qui vont le savoir. Et puis Catherine de Sienne va grandir comme ça et elle va avoir beaucoup d'appels, de grâces mystiques, de révélations intérieures. Elle va dialoguer avec le Seigneur, elle va être soumise à des tentations terribles, à des calomnies, à beaucoup d'épreuves. Hein, qui vont la purifier encore et toujours. Et elle va recevoir des grâces alors que le pape, depuis le début du XIVe siècle, est parti en Avignon, comme vous le savez. Eh bien, elle va recevoir vraiment des révélations sur l'enjeu fondamental avec un grand amour de l'Église pour que le pape revienne à Rome, pour qu'il réunisse l'Église, parce que l'Église est complètement divisée. Il y avait Florence qui faisait la guerre contre le pape. J'en passe. Et puis, il y avait des conflits qui commençaient à éclater en Orient avec le grand schisme qui allait déboucher à la fin du XIVe siècle. Et donc, c'était un moment de décadence terrible. Hein, c'était plus le XIIIe siècle avec toutes les floraisons de saints. Là, c'était vraiment le siècle terrible. Et la sœur Catherine va donc monter une première fois en Avignon. Elle va parler avec le pape et tous les cardinaux qui sont autour de lui l'écartent le plus possible. Mais quand même, le pape l'écoute parce qu'elle est recommandée par de grands spirituels. Et donc, le pape l'écoute une première fois, et puis il se laisse un peu convaincre, mais il y a beaucoup d'opposition, elle revient à Sienne, et puis elle remonte en Avignon une deuxième fois, et là, vraiment, elle gronde le pape. Hein. Elle lui dit, vraiment, arrêtez d'égarer l'Église maintenant, revenez à Rome, c'est à rendre votre place. Cessez de fuir en Avignon, vous êtes le pape, l'évêque de Rome, vous devez vivre à Rome. Et petit à petit, le pape va se laisser convaincre et il va revenir à Rome. Progressivement, il va descendre à Marseille, il va prendre le bateau et il va s'arrêter, parce qu'il aurait dû s'arrêter à Toulon, mais il ne va pas s'arrêter à Toulon. Figurez-vous qu'il va s'arrêter juste en face, juste devant. Et la petite Catherine, elle, avec ses sœurs, elle va prendre la voie terrestre. Et donc, elle va passer par le Lavandou. Elle va monter dans une barque, retrouver le pape sur son bateau. Hein, et puis ils vont avoir encore des échanges puisque le pape lui demande beaucoup de conseils comme de grands cardinaux qui vont lui demander beaucoup de conseils, beaucoup de prêtres, beaucoup de mystiques qui vont lui demander des conseils aussi. Elle va accompagner spirituellement beaucoup de personnes et donc ici même, vous voyez, Catherine de Sienne est passée, c'est pour ça que vous avez la place Catherine de Sienne ici même, hein. Et donc elle va revenir à Rome après le pape, après que le pape soit arrivé, et elle va aider le pape à se réinstaller à Rome. Et puis, bien sûr, elle va essayer de faire en sorte que le pape lance cette grande croisade, hein, cette grande croisade pour pouvoir justement réunifier l'Orient et l'Occident. Pas uniquement pour faire la guerre, non, c'est pas pour faire la guerre. C'est aussi pour écarter les guerriers de Rome et pour réunifier l'Orient et l'Occident. Bon, et puis, on sait que ça va pas pouvoir se faire tout de suite. Alors, vous voyez, Catherine, elle a été ensuite canonisée le siècle suivant, et elle est morte à 33 ans, il y a encore une grâce mystique, elle est morte au même âge que le Christ, hein, l'âge présumé du Christ, ça pour montrer, voyez, son union avec le Seigneur. Et surtout, voilà, ce qui est intéressant de voir chez Catherine, c'est toutes ces épreuves qu'elle a traversées, notamment beaucoup d'épreuves contre son vœu de virginité. Elle était magnifique, elle était splendide, on le raconte souvent, qu'elle était très très belle, et que donc forcément, eh bien, elle aurait pu être tentée. Et elle a été effectivement tentée par le démon, elle a vécu des grandes nuits de tentation, et après une de ces nuits de tentation, sans jamais céder bien sûr, elle gronde le Christ. Vous voyez, elles sont simples, hein, les grandes mystiques. Elles parlent comme elles, voilà, avec son cœur, très simplement, elle gronde le Christ. Mais enfin, où étiez-vous, Seigneur, pendant que je souffrais toutes ces images horribles qui me passaient dans la tête? Et le Seigneur lui disait, mais que sentais-tu, que ressentais-tu pendant que tu avais toutes ces images, toutes ces tentations? Elle dit, un grand dégoût, c'était horrible. Eh bien, tu vois, si tu avais un grand dégoût parce que j'étais dans ton âme, et c'est moi qui luttais dans ton âme. Alors elle est tout à fait rassurée, et grâce à ça, eh bien, elle va continuer de traverser ces grandes épreuves, sachant que si elle souffre de ces épreuves, c'est qu'en réalité c'est le Christ qui est en elle et qui lutte avec elle. Donc il ne l'a pas abandonnée, au contraire, il est avec elle. Et ce sont des combats qui la dépassent, hein, des combats pour le monde. Alors si nous aussi ça nous arrive, voyez, d'avoir des tentations terribles, eh bien il faut nous rappeler que si nous n'en prenons pas plaisir, c'est qu'en réalité nous portons peut-être quelque chose, hein, nous participons peut-être à la rédemption du monde. Alors rendons grâce au Seigneur pour aussi ces grâces mystiques que nous avons. J'espère que vous en avez, parce que c'est ça la vie chrétienne. Hein. S'il n'y a pas de mystique dans notre vie, alors on est un petit peu à côté de la plaque. Il en faut de la mystique, c'est-à-dire l'action de Dieu dans notre âme. Il faut avoir des choses comme ça, un peu surnaturelles dans notre vie. Même si ce ne sont pas des apparitions, des visions, mais en tout cas, il faut que nous sentions qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se joue dans notre âme. Quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes ballottés de gauche et de droite, eh bien, il faut se dire, voilà, Seigneur, c'est toi qui es là, et tu agis dans mon âme pour le monde. Et tous ces combats me dépassent infiniment, mais je sais que c'est parce que tu veux m'unir à ta croix et à ta rédemption. Aussi, je te bénis, je te rends grâce et je te loue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.